Le mystère demeure entier, le malaise aussi. Georges Arnaud, le célèbre auteur du Salaire de la peur, a-t-il, alors qu'il s'appelait encore Henri Girard, assassiné son père, sa tante et une domestique? Juridiquement, la question ne se pose plus, puisque l'écrivain a été acquitté par un jury populaire. Il est donc réputé innocent à jamais. Il n'empêche que le triple crime du château d'Escoire, le 24 octobre 1941, reste une énigme. Et si pour une fois, M. X a choisi de me parler d'un fait divers, c'est que justement, il ne s'agit peut-être pas d'un simple fait divers, mais d'une affaire beaucoup plus compliquée. Et puis, il y a le personnage central de ce dossier, Henri Girard, 24 ans à l'époque. Un jeune homme singulier et fantasque, qui après la guerre s'embarquera pour l'Amérique du Sud, mènera une vie aventureuse et reviendra 2 ans plus tard pour écrire sous le nom de Georges Arnaud son best-seller Le Salaire de la peur, un ouvrage adapté au cinéma par Clouzot et qui obtiendra une palme d'or à Cannes. Georges Arnaud qui sera ensuite de tous les combats contre l'injustice, journaliste, pamphlétaire, militant, n'hésitant jamais à payer de sa personne et de risquer sa liberté. Un homme généreux et flamboyant, mais qui n'a pu faire oublier qu'il était aussi le personnage central de l'affaire du triple crime d'Escoire. Enfin, avant d'écouter M. X, je voudrais, une fois n'est pas coutume, dédier cette émission à mon ami Georges Ferraro, disparu l'an dernier. Ferraro, brillant réalisateur qui a effectué, entre autres, une formidable enquête télévisée sur la secte Moon avec Georges Arnaud. Vous est-il arrivé de rencontrer Georges Arnaud? Autrefois, oui, enfin, dans les couloirs de la télévision. Mais enfin, je n'ai fait que le croiser. Hein, alors, vous n'avez pas manqué d'être frappé par son physique? Ah oui, oui, oui. Espèce de grand type, roux, maigre, le cheveu en bataille, la moustache gauloise et buissonnante. Et puis les yeux bleus très clairs, qui étaient capables de vous fusiller. Non, c'est vraiment un physique exceptionnel. Et tout à fait assorti, d'ailleurs, à sa personnalité. Mais on a dit de lui, qu'il était anarchiste. Ah oui, ça correspondait tout à fait, dans la mesure où c'est vrai, il n'avait aucun respect pour l'ordre établi ni pour l'autorité, un mépris qu'il exprimait aussi vis-à-vis de l'argent, quand il en avait. Et il lui est arrivé plusieurs fois dans sa vie d'en avoir beaucoup. Et il mettait un malin plaisir à le dépenser le plus rapidement possible. Quoi, en faisant la fête Pas seulement, il en faisait aussi profiter ses amis. Et cette réelle générosité l'a conduit lui-même à vivre à plusieurs époques de sa vie dans une quasi-misère. Un dernier mot peut-être pour en finir avec son portrait sommaire. Georges Arnaud, qui n'avait pas toujours un caractère facile, voyait une inimitié particulière au magistrat. Ah oui, c'est tête de Turc, quoi. Bon, ça se comprend si on connaît son histoire. Oui, alors justement, hein, si vous y veniez enfin. Oh, un peu de patience, vous êtes toujours trop pressé. Bon, Henri Girard, puisque c'était tel est son vrai nom, est né pendant la Grande Guerre, dans une bonne famille, comme on disait autrefois. Oui, une famille bourgeoise. C'est ça, ouais, de gens très riches du côté paternel. Très riches et très stricts, qui vivaient dans les beaux quartiers de Paris. Oui, tout le contraire de Georges Arnaud, plus tard. Oui, toutefois son père, Georges Girard, n'est pas un pur représentant de cette grande bourgeoisie. Lui, c'est un intellectuel, un chartiste. Archiviste au Quai d'Orsay et qui a une bonne plume. Il publiera d'ailleurs plusieurs ouvrages savants et qui fréquente les cercles littéraires. Il est, par exemple, ami avec Giraudoux, Morand ou encore le grand avocat et écrivain Maurice Garçon, qui va jouer plus tard un rôle capital dans la vie d'Henri Girard. Mmh. La mère, hein? Professeur. Issue d'un milieu modeste, elle n'a guère été acceptée par la famille de son mari. En outre, cette jeune femme, très intelligente, affiche un athéisme résolu et des convictions politiques d'extrême gauche. Elle a même fréquenté Lénine lorsqu'il se trouvait exilé en France. Donc, a priori, rien qui puisse plaire à la belle famille. En effet, j'ajoute, et ça ne vous étonnera pas, que l'union des parents d'Henri Girard est un mariage d'amour et qu'ils sont tous les deux très épris l'un de l'autre. Mais cette union sans faille ne va pas tarder à être brisée. Valentine, c'est son prénom, a attrapé la tuberculose et elle meurt lorsque le jeune Henri a 9 ans. Pour le garçon, c'est une terrible déchirure dont il ne se remettra jamais tout à fait. D'autant qu'il se persuade que ses grands-parents paternels porte une responsabilité dans la mort de sa mère. C'est-à-dire là, Il pense qu'ils ont refusé de lui donner de l'argent pour lui permettre de mieux se soigner. C'est vrai? Franchement, je n'en sais rien. L'important, c'est que le garçon le croit et trouve là une bonne raison d'exécrer sa famille paternelle. Mmh. Et le père, lui, Georges Girard? Je ne sais pas. Mais fou de douleur, il s'abîme dans le travail et délaisse son fils qui va être élevé par une gouvernante. Mmh. Les relations entre le père et le fils sont donc distantes. Oui, oui, même parfois assez violentes. Il faut dire que Henri est un adolescent renfermé, plutôt brutal. Cependant, ça va s'arranger de façon curieuse. Élève à Louis le Grand, le garçon fugue après s'être disputé une nouvelle fois avec son père. Mais son retour scelle un spectaculaire rapprochement entre le père et le fils. Oui, l'adolescent découvre son père. Exactement. Mmh. Et c'est la littérature qui les réconcilie. Henri, qui est déjà un lecteur boulimique, trouve en son père un conseiller, un mentor. Et jusqu'au drame du château d'Escoire, tout le monde s'accordera à dire que le père et le fils avaient des relations généralement affectueuses. Mmh. Et ses études, faux fils hein. Henri, même s'il est incontestablement intelligent, est un élève passable. Toutefois, malgré un dilettantisme notoire, il fera ensuite des études de droit, mais échouera au concours d'entrée du Conseil d'État. Autre point très étonnant, le jeune homme, fidèle à l'athéisme de sa mère et violemment hostile à sa famille paternelle, qui est très bondieusarde, est un adepte du scoutisme. Oui, mais il y a des scouts laïcs, hein. Certes, mais ce ne sont pas ceux que fréquente Henri Girard. En tout cas, c'est grâce au scoutisme qu'il rencontre Anne-Marie, sa première épouse. Ça veut dire qu'il est encore très jeune. Effectivement, hein. Il n'a pas 20 ans et son père désapprouve. Mais Henri insiste et finit par obtenir le consentement paternel. Étrange mariage. Les deux très jeunes époux sont aussi impécunieux l'un que l'autre. Impécunieux et fantasque. Enfin, quoi qu'il en soit, il est clair que cette union ne pourra pas durer très longtemps. Henri aime trop la liberté, la fête, la bamboche, comme disait le général de Gaulle. Mais peu importe, avançons. Attendez quand même, de quoi vit ce jeune ménage? Tous deux vivent au crochet de leurs parents. Après tout, au moins théoriquement, Henri est toujours étudiant. Mmh. Et lorsque vient la guerre, alors? Le jeune homme voudrait combattre. Mais son père se débrouille pour lui trouver une planque dans un ministère quelconque. Contre sa volonté, donc. Et pour le protéger aussi, oui. Mais Henri n'y tient plus. Et lorsque prend fin la drôle de guerre, il s'engage. Au pire moment. Oui, c'est la débâcle et l'exode. Et il connaît le sort de beaucoup de soldats français, c'est-à-dire qu'il est fait prisonnier. Mais il ne tarde pas à s'évader et il rejoint le château familial à Escoire, dans le Périgord. Mmh. Alors, Escoire, où aura lieu le drame plus tard Ça vaut peut-être un mot sur cette demeure, hein. Oui, ce château du XVIIIe siècle ne manque pas d'allure, mais à l'époque, il est dépourvu de tout confort. Et pour tout dire, il mériterait d'être restauré. Mmh. Château familial, avez-vous dit? Du côté Girard, naturellement. Autour, il y a des fermes, des métairies. Ah oui, vaste propriété. Et c'est la tante Amélie, la sœur de Georges Girard, qui s'occupe de la gestion du domaine. Une tante que le jeune homme n'aime guère, même s'il lui arrive de séjourner dans son appartement parisien. Mais c'est vrai qu'il ne rate pas une occasion pour se moquer d'elle ou la mettre en colère. Un seul exemple. Un jour, en compagnie de sa jeune épouse, il s'amuse à tirer à la carabine sur les tableaux de famille. Escoire, alors. Mais pourquoi, alors? Parce qu'il les trouve hideux. Son père n'est pas loin d'être de son avis, parce que selon certains, il aurait lui aussi participé à la fête. Ils sont tous un peu bizarres, non? On peut le penser, en effet. Le père, Georges Girard, n'est pas un personnage ordinaire. Ce haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères s'habille n'importe comment. Ah, et ça, c'est pas tout à fait le style du Quai d'Orsay, hein. C'est pourquoi il a une réputation d'original. En outre, comme on dit aujourd'hui, cet officier de la Légion d'honneur est politiquement incorrect. Songez qu'il ne cache pas son admiration pour la Commune de Paris et qu'il écrit parfois dans le crapouillot. Oui, à l'époque, journal irrespectueux et plutôt anarchiste. C'est ça, hein, oui. Ouais. Après l'armistice de 1940, Girard doit suivre le gouvernement à Vichy. Mais chacun sait qu'il est anti-pétainiste. Ouais. Et quelles sont exactement ses fonctions? Je vous ai dit qu'il était archiviste, oui, conservateur adjoint. Alors, ça signifie ça, qu'il peut avoir accès à des documents très sensibles. Ah, ce n'est pas tout. Il aurait aussi travaillé au service du chiffre. Ah, oui. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'on dira plus tard que son assassinat avait à voir avec les fonctions qu'il occupait à Vichy, mais... N'allons pas trop vite, c'est bien ça. En effet. Bon, quoi qu'il en soit... Après son évasion et sa démobilisation, le fils, lui, ne reste pas très longtemps à Escoire, où il s'ennuie, et il retourne bien vite à Paris. Et son épouse, alors? Elle a séjourné avec lui à Escoire. Toutefois, le ménage bat déjà de l'aile et on parle de divorce. Les scènes sont fréquentes et Henri multiplie les aventures. C'est d'ailleurs assez étonnant car ce garçon plutôt laid et gauche a beaucoup de succès auprès des femmes. Enfin, passons. À Paris, le futur Georges Arnaud s'amuse, abuse de l'alcool et des amphétamines. Et bien sûr, il faut de l'argent. C'est alors que se situe un curieux épisode. Pour raconter ? Bon, l'affaire n'a jamais vraiment été éclaircie, mais elle a pesé dans la terrible accusation qui sera plus tard portée contre lui. Henri Girard aurait été arrêté par les Allemands. Et pour le libérer, ceux-ci auraient exigé le versement d'une forte somme d'argent. Ah, une somme qu'il ne possédait pas. Bien sûr. Ouais. Aussi, par l'intermédiaire d'un ami qui aurait réussi à communiquer avec lui, il a demandé à sa tante de payer. Mmh. Qu'elle a fait ? Exactement. Et pour vous, si j'ai bien compris, ça ressemble à une escroquerie. Oui, je ne suis d'ailleurs pas le seul à penser que cette histoire d'arrestation sentait la fabulation. Mais le fait d'estorquer de l'argent à une riche tante qu'on n'aime pas ne veut pas dire pour autant qu'on est un assassin. Et même un triple assassin. Guy Penaud, ancien commissaire de police, a refait l'enquête sur le triple crime d'Escoir. Nous y reviendrons. Il brosse aussi un portrait du père de Georges Arnaud, Georges Girard. Je lui emprunte ces quelques lignes. Écrivain de talent et historien distingué, il était licencié S-Lettres, série histoire et géographie. Reçu archiviste paléographe en 1913, il était docteur S-Lettres. Il exerçait, depuis 1937, la fonction de conservateur adjoint au chef du service des archives du ministère des Affaires étrangères, après y avoir débuté en 1919 comme bibliothécaire adjoint avec un traitement de 2500 francs par an. Ses exploits militaires durant la Grande Guerre comme simple deuxième classe au 78e régiment d'infanterie puis au 8e génie lui avaient valu deux citations et la croix de guerre avec étoile de bronze. Son travail de bibliothécaire avait été récompensé par la Légion d'honneur le 23 juillet 1925 sur intervention du périgourdin Yvan Delbos, sous-secrétaire d'État de l'enseignement technique. Bourru, emporté, tumultueux, paraissant toujours disposé à se disperser, c'était un curieux homme. Cheveux châtains, yeux bleus clairs, il ne prenait aucun soin de sa personne, rien ne lui était plus indifférent que la manière dont il était vêtu. Il était en fait négligé, son col étant rarement du jour. L'ouvrage de Guy Penaud est publié par les éditions Lalose. Bon, alors venons-en au fait. Vers la fin octobre 1941, Henri Girard décide de se rendre à Escoir. Sans valise, il passe clandestinement la ligne de démarcation et arrive à Périgueux. Là, comme il ne trouve pas de chambre d'hôtel, il passe la nuit dans une célèbre maison close de la ville. Seulement pour y dormir ? Bon, bien sûr que non. Et le lendemain, il prend le tramway pour Antonne, une localité proche du château. Mais avant de gagner Escoir, il téléphone à son père. Son père qui se trouve alors à Vichy, hein ? Oui, première bizarrerie. Il dit à Georges Girard qu'il veut le voir de toute urgence. Et pourquoi ? Il affirme qu'il désire parler de politique. En toute tranquillité, c'est-à-dire loin de Vichy. Et réaction du père ? Girard n'est guère enchanté à l'idée d'entreprendre ce long voyage en train, mais il finit par accepter. Et le lendemain matin, 24 octobre, Henri attend son père à la descente du tramway Périgueux-Antonne. Des retrouvailles chaleureuses. Puis, les deux hommes prennent la route d'Escoir où ils retrouvent la tante Amélie et la bonne Louise Soudex. Est-ce que la tante séjourne habituellement à Escoir? Non, elle vit à Paris, mais elle est venue vérifier les comptes avec le régisseur du domaine et aussi se procurer quelques victuailles en ces temps de rationnement. D'après ce que l'on peut savoir, car quelques connaissances viendront rendre visite au Girard, la journée se passe bien. Le père et le fils se livrent même ensemble à quelques travaux de jardinage. Et d'après ce qu'affirmera plus tard Henri Girard, tous vont se coucher aux alentours de 11h du soir. Henri Girard, qui, il ne faut pas l'oublier, est le seul témoin vivant puisque les trois autres vont être assassinés. Alors, quand ? Comment ? Quand ? Dans la soirée. C'est en tout cas ce que déterminera l'autopsie. Comment ? Bah, d'une façon atroce. Le père, la tante et la bonne ont été tués dans leurs chambres respectives à coups de serpe. Une serpe qui est retrouvée, je crois, près du cadavre de la domestique. Autour des cadavres, le désordre est indescriptible. Et Henri Girard, où se trouvait-il pendant ce massacre? Il a passé la nuit dans une chambre située dans l'aile opposée. Une chambre où il n'a pas l'habitude de coucher lorsqu'il vient à Escouart. Alors pourquoi l'avoir choisi là? Parce que, a-t-il dit, des réfugiés avaient séjourné dans sa chambre. Mais la pièce où il a dormi a été, elle aussi, occupée par d'autres réfugiés. En outre, cette chambre présente deux particularités. D'abord, on y trouve le compteur électrique qui commande toute l'installation du château. Ah oui, ça veut dire qu'on peut y éteindre l'électricité dans oui, tout le château. Oui. Ah, oui. Et ensuite, les enquêteurs l'ont vérifié expérimentalement. De cette pièce, on ne peut pas entendre ce qui se passe dans l'aile opposée. Ouais. Même des cris? Même des cris, oui. Donc, le jeune homme peut affirmer en toute bonne foi qu'il n'a rien entendu. Tout à fait. Mais quand même, le fait là qu'il ait justement choisi d'occuper cette chambre... Bah, il est vrai que c'est louche. Et puis, je vous l'ai dit, il y a la présence du compteur. Or, un témoin, le fils du fermier voisin du château, affirmera avoir noté qu'en se rendant chez un ami, il s'est étonné de constater que la demeure était plongée dans le noir à 9h30 du soir, alors qu'elle était éclairée lorsqu'il est repassé vers 11h. Mais donc, pardonnez-moi, oui. Mais donc quelqu'un aurait rallumé la lumière, c'est ça? Absolument, oui, oui. Mais c'est surtout l'arme du crime qui va nourrir la suspicion des policiers chargés de l'enquête. Ah, cette serpe-là. En effet, oui, oui. Le fils Girard est venu l'emprunter à ses voisins fermiers 2 jours plus tôt. Mal affûtée lorsqu'il l'a prise, elle est aujourd'hui très coupante. Il l'aurait donc affûtée entre-temps. Et il est avéré qu'il s'en est servi récemment, car il s'est écorché l'intérieur de la main à cause d'un défaut sur le manche. Ça commence à faire beaucoup, hein. Et d'autre part, il y a aussi le fait que les enquêteurs n'ont relevé aucune trace d'intrusion extérieure. Henri Girard était donc seul dans le château avec les victimes. Enfin, c'est ce que vont conclure les policiers qui estiment que le jeune Girard est un suspect idéal. Dans le village, ne l'appelle-t-on pas le foldingue? Un être inquiétant, pas très équilibré. Et lorsque les policiers de Périgueux sont arrivés, il fumait et jouait du piano alors que les cadavres des siens gisaient dans les pièces voisines. Et peu importe si c'est Tristesse de Chopin qui l'interprétait, les policiers ne sont pas obligés de connaître la musique. Oui, effectivement. Et le mobile? L'argent, bien sûr. Girard devenait d'un jour à l'autre un riche héritier. L'héritier à la fois de sa tante et de son père. Or, les policiers, puis le juge d'instruction chargé de l'affaire, ont rapidement établi que le jeune homme, par ailleurs dénué de scrupules, était sans cesse à court d'argent. Ouais. Alors, presque naturellement, il va être inculpé du triple assassinat. Oui, oui. Et après les obsèques auxquelles il a été autorisé à assister, il est conduit à la prison de Périgueux. Il va y rester 19 mois, jusqu'au procès. Et ne cessera de protester de son innocence. Il n'a jamais craqué? Jamais, non. Et après avoir déclaré qu'il voulait assumer lui-même sa défense, il s'est résolu à faire appel à un avocat local, et surtout à l'ami de son père, le prestigieux maître Maurice Garçon. De l'Académie française. Et celui-ci a accepté de défendre, enfin quand même, celui qui est accusé d'avoir assassiné son ami. Oui. Non sans avoir auparavant minutieusement dépouillé le dossier. Et voyez-vous, pour moi, c'est certainement l'un des meilleurs arguments qui plaide en faveur de l'innocence d'Henri Girard. Et pourtant, ce dossier d'accusation semble accablant. Alors, si vous le voulez bien, entrons dans les détails. Ceux, en tout cas, que je n'ai pas encore évoqués. Là, je vous écoute. Là. Ben, il y a d'abord l'acharnement dont a fait preuve l'assassin, une sorte de folie qui l'a poussé à porter de nombreux coups de serpe sur chacune des victimes. L'une d'elles, la tante, je crois, avait même les doigts sectionnés. Or, des témoignages font état de la violence du fils Girard. Il faut aussi tenir compte de l'heure des crimes, entre 1h et 3h après le dîner. Alors, oui, exactement à l'heure où le jeune voisin l'a observé que le château était plongé dans l'obscurité. Hein. C'est troublant. Autre élément très troublant, lui aussi, le suspect s'était très récemment lavé la tête, alors même que selon le médecin qui l'a examiné, son corps était remarquablement sale. Remarquablement. Ouais. Pour l'accusation, il est clair que les cheveux de Girard avaient sans doute été souillés par le sang de ses victimes. Ouais, il a voulu, en se lavant la tête, effacer ses traces. Et puis, il y a aussi le désordre dans les 3 pièces du crime. Comme si on avait voulu faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais alors, pourquoi les bijoux de la tante, ces bagues en particulier, n'ont-ils pas été dérobés? Par contre, ajoutant au désordre, l'assassin, qui ne peut être que le jeune Girard, selon l'accusation, a essayé de faire croire à une intervention extérieure. On a en effet retrouvé non loin du château le portefeuille de Gérard Père, son porte-monnaie et un foulard appartenant à la tante. Ah oui, ça, comme si on voulait laisser penser que le voleur assassin les avait perdus dans sa fuite. Ça me paraît évident. Ouais. Et l'accusation va alors parler de mise en scène. Bien sûr. Et pour le juge d'instruction, tout ça sans la préméditation. Cette serpe, empruntée deux jours plus tôt. Le coup de fil au père, lui demandant de venir à Esquire de toute urgence pour parler de politique. Non, il ne peut y avoir de doute. C'est ce qu'ont bien compris les très nombreuses personnes qui vont assister au procès. Dès le premier jour, tout le monde pense que le jeune Girard est promis à la guillotine. Aucune circonstance atténuante. Non, non. Et d'ailleurs, le directeur de la prison de Périgueux a déjà fait préparer la cellule du futur condamné à mort. Je reviens au livre de l'ancien commissaire Guipenot. Voici comment il imagine l'état d'esprit de maître Maurice Garçon juste avant le procès de Périgueux. Tel le magicien qu'il était, il espérait sans doute secrètement pouvoir sortir de sa manche un effet inédit ou quelques arguments inattendus. Les procès réservent toujours leur part d'incertitude. Quelles que soient les preuves accablantes relevées à l'encontre d'un accusé, les témoins ne sont que des hommes et des femmes avec leurs contradictions et leurs faiblesses, et les procédures établies recèlent leur dose d'erreurs, d'oubli ou de négligence. Il ne lui restait plus, avec la complaisance du président des assises, qu'à se préparer à dérouter ses adversaires, à désarmer l'accusation, à escamoter les faits les plus gênants, à déstabiliser les témoins les plus fragiles, et enfin, à faire surgir d'abord le doute, puis la vérité, là où on ne les attendait plus. La cause d'Henri Girard était la sienne. Il s'y vouerait passionnément et entièrement le temps du procès, avec sa méthode à lui, subtil mélange d'une connaissance approfondie du dossier, de la maîtrise parfaite de l'art de l'éloquence et d'un sens aigu de la répartie. La partie, vous l'imaginez bien, était loin d'être gagnée. D'autant, je vous l'ai dit, que Henri Girard, visage fermé et physique ingrat, n'inspirait pas spontanément la sympathie. Ouais, et puis il avait sa réputation. Le folding, oui. Cependant, malgré l'émotion que suscitait la présence de Girard dans le box des accusés, beaucoup de spectateurs ont noté ce premier jour que son célèbre avocat, lui, semblait relativement détendu. Et on a eu une première explication dès le lendemain, même si personne n'a vraiment compris ce dont il retournait. Mais quoi, là? Bon, un petit peu de patience, je vous prie. Ah, oui. Ce matin-là, au grand étonnement de tous, le président de la cour d'assises décide un transport sur les lieux des crimes. Un acte parfaitement légal. Hein. Ah oui, mais quand même pas très fréquent. Quoi qu'il en soit, la cour se déplace donc à Esquire. Et ça va donner à Maurice Garçon l'occasion de faire, pardonnez cette expression vulgaire, un formidable numéro. Je vous explique. D'abord, au grand dam des enquêteurs présents, il observe que plusieurs scellés ont été brisés. Mais par qui, alors? Des curieux. Depuis le triple crime, on a vu à plusieurs reprises des gens pénétrer dans la maison ou rôder aux alentours. Ouais, curiosité malsaine. Bien entendu. Ouais. Et ça n'a fait qu'ajouter aux négligences des premières constatations. Les gendarmes appelés en premier ont, par exemple, omis de protéger les lieux du crime et laissé des villageois y entrer. Mais l'essentiel n'est pas là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les enquêteurs n'ont noté aucun signe d'effraction. Mmh. Or, maître Garçon remarque d'autres scellés brisés à la fenêtre d'un cabinet de toilette désaffecté au rez-de-chaussée. Une petite pièce dont la fenêtre donne sur l'extérieur. Au rez-de-chaussée, hein. Mais je vois où vous voulez en venir, là. Mais aussitôt, les policiers qui ont participé à l'enquête s'interposent. Des volets obstruent cette fenêtre qu'on ne peut refermer totalement à cause de l'humidité. Et ils ont essayé, avec une barre de fer, de les ouvrir de l'extérieur. C'est impossible. Alors, l'avocat, suivi par la cour, sort du château et se présente devant ses persiennes. Il demande à un gendarme de lui donner un morceau de bois. Et introduisant cette branche entre les deux volets, il les ouvre sans aucune difficulté. Oui, c'est étonnant. Donc il a fait la preuve non seulement de la négligence des gendarmes, mais aussi qu'un étranger pouvait pénétrer dans le château. Et c'est naturellement un point très important. Un premier coin enfoncé dans le dossier d'accusation. Mais en me racontant cela, là, vous donnez quand même l'impression que cette démonstration ne devait rien au hasard. Pourquoi pas? Et toutefois, malgré cette première victoire, Maître Garçon a instillé le doute dans l'esprit des jurés. Mais ça ne suffit pas. Et même s'il arrive à déstabiliser et malmener quelques témoins de l'accusation, et aussi les experts, la plaidoirie de la partie civile, c'est-à-dire celle de l'avocat de la famille de la bonne, puis le réquisitoire implacable de l'avocat général, ne laisse que peu d'espoir à la défense. Girard sera condamné, quoi. En effet, ça semble quasi inévitable au moment même où, à son tour, Maître Maurice Garçon prend la parole. Mais, brillant, incisif, ce ténor du barreau se livre à une véritable démolition du dossier d'accusation, soulignant les lacunes de l'instruction, les imprécisions des experts et surtout en relevant un certain nombre de pistes que le juge ne s'est pas donné la peine de poursuivre. Par exemple, alors? Les lacunes, d'abord. Pourquoi, alors que les murs étaient maculés de sang, n'en a-t-on pas trouvé de traces sur les vêtements de l'accusé? Il aurait pu changer. Bien sûr, mais il ne l'a pas fait. Et même s'il l'avait fait, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé ses vêtements souillés? Et cette fameuse serpe, avec quoi l'aurait-il affûtée? La seule meule qui existe dans le hameau se trouve chez les voisins. Et il faut être deux pour l'actionner. Les voisins, oui. Déjà, l'avocat a démontré les incohérences du témoignage du fils, prénommé Romain. Oui, c'est celui qui est passé près du château le soir du drame. Hein? Oui. C'est ça. Et voilà maintenant que l'avocat, en fait, un suspect tout à fait acceptable. Incorporé dans les chantiers de jeunesse, il est revenu chez ses parents, inopinément, la veille du crime. Pourquoi? On lui prêtait aussi des relations amoureuses avec la tante Amélie. Et puis, il avait un pantalon taché de sang. Du sang de lièvre, a-t-il prétendu. Mais aucune analyse n'a été pratiquée. Bref, ce jeune homme, qui connaissait par ailleurs très bien le château, aurait dû faire l'objet d'une sérieuse investigation. Mais ce qui n'a pas été fait, donc. Bien au contraire. Mm-hmm. Car c'est la mère de ce Romain qui a tout de suite accusé Henri Girard d'être l'assassin. Ah oui, comme pour disculper son fils. En tout cas, Maître Garçon le laisse entendre. Mm-hmm. Et les autres pistes, alors? Celle-ci, par exemple. Le soir du crime, un cultivateur a entendu deux voix d'hommes dans un petit bois proche du château. Deux voix étrangères. Or, le juge d'instruction a négligé cette information. Pourtant, c'est à peu près à cette époque qu'ont commencé les premiers parachutages alliés dans la région. Et puis, autre mystère. Lorsque Girard père est arrivé à Escoir, il portait une mallette contenant des documents. Une mallette dont il ne se séparait jamais. Mais elle n'a pas été retrouvée. Et des documents? Quel genre de documents? Oh ben, il pouvait avoir trait à ses activités à Vichy. Georges Girard, hostile au régime, avait peut-être détourner des documents confidentiels sur certains notables de la collaboration. Mais alors, on l'aurait assassiné, lui, sa sœur et la bonne, pour s'emparer de cette mallette. Pardonnez-moi, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Hein. Ouais, bah moi aussi. Enfin, toutefois, on ne peut pas tout à fait exclure que le triple assassinat ait un lien avec le travail de Girard à Vichy. En effet, détail étrange. Un des enquêteurs d'Escoir est parti précipitamment à Vichy sans en référer au juge d'instruction. Oui, parce que il a peut-être récupéré la mallette. Ah, et pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, la vigoureuse plaidoirie de Maître Garçon a entraîné la conviction des jurés qui ont acquitté Henri Girard. Virtuellement condamné le matin, il était jugé innocent le soir. Spectaculaire retournement. Oui, oui, mais qui ne s'explique peut-être pas seulement par le talent de Maître Garçon. Je vais y revenir. La suite, vous la connaissez sans doute. Henri Girard, libéré, hérite d'une véritable fortune qu'il s'empresse de dépenser jusqu'au dernier franc avec ses amis et sa seconde femme. Il s'est remarié. Oui. Puis après la guerre, il s'embarque pour l'Amérique du Sud. Là, pendant 2 ans, il mène la vie d'un aventurier et puise la matière de quelques-uns de ses futurs romans. Oui, dont le salaire de la peur. Hein. Bien entendu. Il revient sur un cargo comme passager clandestin et regagne Paris où il vivote et commence à écrire. Puis c'est le succès. Un énorme succès. Devenu Georges Arnaud, il a aussi une intense activité journalistique. Une activité militante contre les erreurs judiciaires, contre le système pénitentiaire. Oui, ben, il est bien placé pour connaître le sujet. Hein. Oui. Un peu plus tard, il dénonce la torture en Algérie et il connaît à nouveau la prison. Mais pour quelle raison, là, cette fois-ci? Il rencontre dans un journal d'une conférence de presse clandestine de Francis Janson. Oui, c'est l'homme du réseau de soutien au FLN algérien. Ceux qu'on a appelés les porteurs de valises, oui. Interpellé par la DST, Georges Arnaud refuse de dire où il a rencontré Janson. Ben, c'est la question. primordial hein, de la préservation des sources pour un journaliste. C'est ça, oui. Mmh. Mais heureusement, la profession et les milieux intellectuels se mobilisent. Arnaud est libéré, mais écope d'une condamnation avec sursis. Plus tard, il partira en Algérie. Oui, après l'indépendance. Oui, ouais. Et il y restera de longues années, vivant modestement et aidant du mieux possible le nouveau régime. Enfin, de retour en France, il signera plusieurs documentaires d'investigation pour la télévision avant d'aller vivre et mourir en Espagne en 1987. Oui, au fond, enfin, une existence étonnante. Et pour partie mystérieuse. En tout cas, un très bon écrivain qu'il faut lire encore aujourd'hui. Alors, revenons peut-être une dernière fois sur la tragédie d'Escoir. Durant sa période algérienne, Georges Arnaud reçoit la visite de Gérard de Villiers. Ah, SOS ? C'est ça, oui. Il vient voir Georges Arnaud pour une question de droit d'auteur. Mais surtout, d'après ce que raconte Villiers aujourd'hui, l'ancien Henri Girard lui a fait des confidences. Bizarre, hein, parce qu'il ne doit pas y avoir d'atome crochu entre le très droitier Gérard de Villiers et l'anarchiste Georges Arnaud. Anarchiste et même compagnon de route des communistes, mais enfin, peu importe. Villiers l'interroge sur le triple crime d'Escoir et Arnaud lui dit « Oui, c'était moi ». Et la bonne « Pourquoi ?» demande l'auteur de Polar. Et Georges Arnaud de répondre « C'était parce que j'étais énervé ». Vous croyez à cet aveu hein? Je rapporte simplement les propos de Gérard de Villiers. Alors, oui, d'accord. Alors, vous avez aussi dit hein, que l'acquittement de Périgueux ne s'expliquait pas seulement par le talent de Maître Garçon. Oui, oui, ce qui est étonnant dans une affaire aussi importante, trois assassinats quand même, c'est que le jury ne s'est réuni que pendant 15 minutes. C'est un fait exceptionnellement bref. Hein? Alors, vous savez que lors des délibérations du jury, le président de la cour d'assises joue un rôle éminent et influence souvent les jurés. Oui, il fait donc la décision. Quoi. Et je suis persuadé que c'est ce qui s'est passé à Périgueux. Oui, et pourquoi alors ? Le président l'avait en quelque sorte promis à Maurice Garçon. Enfin, je vous explique. Ce magistrat parisien avait été compromis dans le fameux scandale Stavitsky. Et ça lui avait valu d'être exilé en province. Lorsqu'il a appris que le prestigieux Maître Garçon viendrait défendre Henri Girard, il a pris contact avec l'avocat en le priant d'user de toutes ses relations en sa faveur. Quoi, il voulait obtenir une sorte de retour en grâce Ce que d'ailleurs Garçon se gardera de faire après le procès. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que si une sorte de pacte a été passé avant le procès entre le président de la cour d'assises et Maurice Garçon, cela jette un certain discrédit sur l'innocence d'Henri Girard. Mais ne peut-on pas penser que le grand avocat, sentant bien qu'il aurait du mal à instiller le doute dans l'esprit des jurys, a voulu faire flèche de tout bois. Et après tout, s'il avait affaire à un magistrat qui désirait si fort entrer dans ses bonnes grâces, pourquoi n'aurait-il pu utiliser cette arme en faveur de son jeune client ? Procédé n'est quand même pas très honnête. Hein. Sans doute. Mais encore une fois, Maurice Garçon, l'un des meilleurs amis de Georges Girard, n'aurait pas pris la défense de son fils s'il l'avait cru coupable. C'est tout ce que je puis dire. Ouais. Donc, vous pensez que Henri Girard était innocent ? Bah, bien sûr, puisqu'il a été acquitté. C'est une réponse un peu dilatoire, non ? Bon, écoutez, je vous laisse libre de juger. C'est cet ancien commissaire de police, Guy Penaud, qui a le premier émis cette hypothèse du pacte entre l'avocat et le magistrat. Je vous signale aussi l'existence d'une bonne biographie de Georges Arnaud, « Vie d'un rebelle » de Roger Martin, qui a été publiée chez Calman Lévy. Enfin, mon confrère de France Culture, Alexandre Hérault, a consacré en 2004 une excellente émission au sujet de Georges Arnaud et du mystère d'Escoir dans sa série « Au vif du sujet ».